Je tiendrai un référendum. I will have a referendum the moment I am sure that the majority of Quebecers agree. The very last thing is the threat of referendum. Pas membre du PQ, il n'est donc pas un caribou, mais pourtant, il a beaucoup de panache. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Merci, Fred. De rien. Merci beaucoup. Hey, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h et la soirée est encore jeune, ce qui nous laisse amplement le temps de se remettre de ces extraordinaires soirées passées à écouter les quatre débats des chefs. Wouh! C'était le fun, hein? Oui. Fred, bonsoir! Bonsoir! J'imagine que vous les avez regardés également, Fred? Oui, deux fois. Oui, oui, je comprends. J'espère. Oui. C'était très bon. Très hey, bon. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. En fait, j'ai particulièrement aimé la performance de Jean-Martin Hossan. Ah, oui. Honnêtement, posé, calme, pas d'attaque personnelle. Hein. Un des seuls qui n'a pas fait d'attaque personnelle, honnêtement. Il a été étonnant. Ah, moi, moi, c'est les trois débats à TVA que j'ai trouvé étonnants. Je me serais cru en France là, avec Hollande et Sarkozy. C'était pareil, mais comme sans accent. Oui. Sans l'éloquence, sans le fond. Ouais. Mais sinon, c'était pareil. Ouais, sauf que je sais pas, est-ce qu'en France aussi, c'est un géranium qui animait? Ça, je m'en rappelle pas. Non, je pense que c'était un pruneau. En tout cas, parlant d'agents laxatifs, je sais pas si vous avez écouté Jean Lapierre cette semaine. Non, c'est vrai. Jean Lapierre, il a fait un superbe vox pop à TVA. Je trouve ça le fun comment il travaille. Oui. D'ailleurs, ça m'a donné une idée. J'en ai fait un aussi avec sa méthodologie. Ah oui? Oui. J'ai demandé à 10 personnes qui pensent comme moi de se prononcer et 100% pensent comme moi. Crime, c'est simple. Simple comme Jean Lapierre. Non, je te le dis, c'est le fun. Tu sais qu'on en a tellement appris des affaires pendant ce débat-là. Par exemple, on a appris que les étudiants, les parents, les pharmaciens, les médecins, les professeurs, les syndicats, c'est toute une gang de paresseux qui nous coûte une fortune. Wow, vous y allez fort un peu, là. Hey, si vous pensez pas comme moi, je vous remplace, OK? Oui, Monsieur Legault. Et que ça fonctionne, hein? Une journée, tout le monde, ça suit. C'est cœur, hein? On a appris aussi qu'il y a 850 000 caribous au PQ. Ça, on a appris ça récemment. Mais il y a combien de ravins au PQ? Autant que le PQ est capable d'en creuser, honnêtement. Mais depuis deux jours, ça fait déjà pas mal, surtout quand c'est Bernard Drainville qui tient appel. Méchante pépine. Drainville la pépine qui appelait. Hey, parlant de pelleter par en avant, on est-tu content qu'ils l'aient enfin sorti, leur cadre financier, PQ? Hein? Ça fait pas longtemps, là, ça fait à peine 3-4 heures. Hey, c'est bon. On va enfin pouvoir savoir les promesses qu'ils pourront pas tenir s'ils sont élus. Hein? Ça, c'est le fun, ça. Je sais pas quoi. Moi, ça me rend tellement heureux, ça parle-là. Moi, je l'ai pas tout lu, mais il paraît que le taux d'imposition des gens qui gagnent plus de 130 000 par année va monter de 24 à 28 %. C'est ce que j'ai retenu. Ah ouais? Je voterai pas pour eux autres. C'est tout. Dans un autre ordre d'idée, là. En tout cas, content de savoir ça. Mais dans un autre ordre d'idée, content de voir que l'émission Enquête ne s'acharne pas seulement sur les libéraux et les caquistes, hein, parce qu'ils ont sorti une autre histoire de scandale là, sur le PQ cette semaine. Hein. Hey, un ancien collecteur du parti aurait reçu 10 000 $ du maire Vaillancourt, là, le maire de Laval. Ouais, mais là, c'est pas un scandale. Là. Le maire Vaillancourt, il a donné de l'argent à tout le monde. Moi-même, j'en ai déjà eu. Pourquoi? Je ne sais pas. Juste de même. Lui, c'était un réflexe. C'était wouh, wouh, wouh. Ouais? Il arrache les enveloppes. Il en donne. Non, mais le fun, juste à lever les bras, comme des frisbees. Ah ouais, Colin. Une belle place, Laval. En tout cas, du monde qui n'en recevront pas d'argent de nous autres, en tout cas ce soir, ben, ce sont nos invités. On reçoit Nicolas Girard, candidat péquiste dans le comté de Gouin. C'est celui qui a forcé Tony Tomassi à démissionner pour des raisons personnelles. Ah oui, c'est vrai. Et on reçoit également le moins célèbre des trois Arcans, Pierre Arcan, quand même candidat libéral dans la circonscription de Mont-Royal. Attends, les trois, là, il y a Pierre, il y a Paul, le troisième, c'est qui? Adrien. Ah oui. Ouais. Bon, je vois qu'il n'y a pas tout le monde qui rit, là. On a vraiment besoin de cours histoire au Québec, hein, vraiment. Franchement, entre-temps, googlez ça, là, parce que la soirée est encore jeune. Bon. Une bonne gorgée de bière avant de commencer sa soirée. Merci d'être à l'écoute. Tout d'abord, les interwebs, Olivier, informez-nous. Ben oui, les gens peuvent se rendre sur notre site radio-canada.ca. La soirée, ils vont trouver des liens vers nos pages Facebook, Twitter et des belles photos de l'enregistrement de ce soir. Et je vous donne un scoop. Oui. Je suis habillé comme le guitariste d'AC/DC. Hey, ça, c'est intéressant, ça. Hein? Vous pensez pas télé, vous, hein? Non. Quoi qu'on est à radio, c'est pas fou. Hey, grosse semaine d'actualité. Énorme. Encore une fois, cette semaine, pas aussi grosse que la Zouine du Prince Harry, là, mais quand même, hein? Ça s'est répandu sur les internets, pas un peu, ça. C'est ça qu'ils appellent une palourde royale. Ouais. Oui, oui, oui, ça se pourrait. C'est intéressant ce que vous dites, Fred. Merci beaucoup. Autre nouvelle franchement intéressante, il y a Le Devoir qui nous dévoilait ce matin l'existence d'un nouveau site Internet qui va annoncer le 3 septembre prochain un candidat mystère pour la course à la chefferie du Parti libéral du Canada, sans blague. Justin Trudeau, Denis Coderre, Marc Gardeau ont nié être derrière ce site web-là. Ça nous a quand même donné l'inspiration nécessaire pour notre top 5 hebdomadaire. Alors, voici donc les 5 meilleurs candidats potentiels à la chefferie du Parti libéral du Canada qui ne sont pas Justin, Denis ou Marc. En 5e position, Jean Tremblay, le maire de Chicoutimi. C'est pas fou, ça. Non, c'est vrai. On sait qu'il est fédéraliste et libéral, en plus. Ouais, ouais, mais je suis pas sûr qu'il est capable de prononcer Saskatchewan. Ah ouais, hein? Ça vient d'ailleurs, Saskatchewan. Ça vient pas d'ici, ça. Non, non, c'est ukrainien, je pense, à cause du cas, là. Oui. Alors, en numéro 4... Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, pas fou non plus, un autre fédéraliste et un autre libéral aussi. C'est vrai, puis il sera pas trop dépaysé. Hein? Le PLC est aussi en ruine que Montréal. Oui, oui, mais oui, oui. Les rénovations vont être dures. Hein? Oui. Ouais. Enfin, la troisième personne à remplacer, à devenir chef du PLC, André Pratt. Ben oui, c'est une facile, ça. Ben oui. Lui, il est fédéraliste, mais je suis sûr qu'il est libéral. Il est pas caquiste, lui. Ben, ouais, en tout cas, je pense qu'il va être disponible bientôt si ça continue. Ouais. Il sera plus journaliste. Il est un journaliste, lui. Ben, il paraît. Oh, ouais, c'est tout une petite blague, le fun à faire tout le temps. Tout le temps. Hein, ouais. Trop drôle. Un running gag, qu'on appelle. Ouais. Puis parlant de running gag, en deuxième position, Kamal Loutfi. Ben oui. Pas fou, ça non plus. Puis il fait des bien meilleures vidéos que Stéphane Dion. Ouais, puis il aime pas trop les souverainistes. C'est parfait pour la job. Non, mais il aime le homard. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ça... En tout cas, regarde. Et en première position, François Rebello. Ah! C'est pour ça qu'on le voit plus. Ben oui, puis changer de parti, lui, ça ne l'a jamais dérangé. Hein. Non, puis en plus, il est rendu fédéraliste avec sa nouvelle affaire. Ben, je pense que c'est fédéraliste neutre. Ah, fédéraliste neutre. Ouais. Ah, OK, OK, d'accord. Ouais. Fred, notre premier invité. Notre premier invité n'a jamais été ministre, mais a réussi à en dégommer un grâce à un travail acharné. Il devra poursuivre son acharnement pour conserver son poste de député. Accueillons le candidat péquiste de Gouin, Nicolas Girard. Ah. Nicolas Girard, merci d'être ici. Est-ce que vous voulez une bière? Je suis un peu déçu. Je pensais que tu allais m'offrir un verre de caribou. Non, écoutez, honnêtement, ils sont tous dans le champ. Fait que, il n'y a pas une blonde? Je vais vous donner une blonde. Ben, prenez-la quand même, parfait. Ça va faire du bien, vous. Vous avez passé une dure semaine. Je suis content de vous recevoir, Nicolas. Puis surtout parce que je vais pouvoir parler avec vous de la campagne électorale qui est franchement fascinante. Je ne sais pas si vous avez écouté les débats. Oui. Françoise David, était-tu bonne à votre goût? Oui. Ah! Moi, je l'ai aimée. Je l'ai aimée. Brillante. Ah ouais. Tu sais, travaillante. Ah ouais. Tu sais qu'elle va nous... Respectueuse. Ah ouais, ouais. Ah non, c'était écœurant. Ouais. Honnêtement, c'était écœurant. Ouais. Est-ce que vous allez voter pour elle? Ah, vous êtes... Ben, vous êtes dans le même comté. Dans le même comté. C'est bien maudit, ça. Dans la même circonscription. Ça a eu un effet dans le comté. C'est vrai? Ah oui. L'effet, c'est que vous travaillez plus, là. Ça? L'effet, c'est que Michel Courchesne a décidé de donner son appui. L'ex-ministre libéral de la famille a donné son appui à Françoise David. Elle devait être bonne solide, Françoise. Hein? Oui. Je pense que Pierre Arcan est là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va aussi annoncer son appui à Françoise David. après ça, il manque juste Tony Tomassi, puis c'est complet. J'ai l'impression que même Jean Tremblay de Chicoutimi sur le bord de l'appuyer, Françoise David, c'est pour vous dire. Hein. Non, mais c'est une femme qui a l'air tellement gentille. L'avez-vous déjà rencontrée? Oui, j'ai rencontré. Elle dégage, honnêtement. En tout cas, regardez. Non, je vous dis ça comme ça. Est-ce que ça vous a fait peur, ce débat-là? On est en train. Regardez, il y a 20 personnes ici. C'était annoncé depuis plusieurs mois. C'était à la radio de Radio-Canada, personne n'écoute ça. Là. C'était annoncé depuis plusieurs mois qu'elle participait au débat. Oui, non, je sais, mais on s'attendait à ce qu'elle soit pas très bonne. Hein? Non, ben, je veux dire, entre vous et moi, là, même je l'ai reçu avant son débat, puis elle n'avait pas de l'air, prête. Fait que. Non. Mais là, elle a été très, très bonne. Ça vous a un peu déçu. Comment? Non, au contraire. Au contraire. Non, elle a bien, très bien fait ça. Vous n'êtes pas batailleur, ben, ben. Non, mais à ce moment-là, un adversaire dans mes circonscriptions, mais je suis très content. Elle a fait une bonne performance, comme Mme Marois. On s'attendait à cette fin de phrase-là. Oui. On a pu lire dans la presse d'hier, dans un article de Marie-Claude Lortie, que si Françoise David devait gagner, elle ne se sentirait pas coupable de vous voler ce poste. Est-ce que vous allez vous sentir coupable si vous gagnez, quoi que ce soit, très improbable? Non, je ne me sentirai pas coupable. Non, pas du tout. Parce qu'il y a quelque chose quand même... Les libéraux vont être mal à l'aise, par exemple. Je suis un peu leur trophée de chasse. J'ai lu ça, votre trophée de chasse. Ben, je trouve que c'est le fun de vous associer à Caribou et trophée de chasse. Effectivement, c'est dans l'actualité cette semaine. C'est ça, mais on demandera tout à l'heure à M. Arcan si vraiment vous êtes sur le billboard du PQ, là, puis vous, vous irez vous installer sur son route de char. Ouais. Ils vont faire une tournée dans le comté de La Fontaine. Cela dit, là, j'imagine que vous avez quand même pensé, si le 5 septembre, vous n'êtes plus député dans le coin, vous faites quoi? Parce que je sais que vous n'avez pas fini votre maîtrise, effectivement, un peu comme moi. Mais bon, moi, j'ai une job le 5 septembre, c'est sûr. Oui. Est-ce que vous avez pensé à votre avenir? Oui, bien, j'ai pensé, il y a un domaine qui est intéressant. Peut-être que je pourrais me recycler dans le domaine des garderies. Il paraît que c'est payant, les garderies, si vous connaissez les bonnes personnes. Effectivement. Oui, tout à fait. Puis sinon, il y a un autre secteur aussi, tu vois, dans le secteur de l'abattage de bovins. Après ça, tu peux obtenir des permis de garderie. C'est des secteurs que je pourrais garder. Je vais vous arrêter tout de suite. On va voir Pierre Arcand tout à l'heure. Il va être plus solide que moi, parce que moi, je ne suis pas ça du tout, la politique. Non, mais on va parler de la grosse nouvelle de la journée. Le PQ, donc le Parti québécois, vient de sortir son cadre financier. Oui, effectivement. Moi, j'avais eu la chance de lire celui de Québec solidaire, qui était très court. Ça coûtait plus cher. Oui, ben, probablement, mais vous avez moins de chiffres encore que Québec solidaire, qui lui arrondissait quand même aux 100 000. non, mais c'est vrai. Je trouve ça le fun. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de sortir On attendait votre émission de ce soir. C'est vrai. On vous a gardé le scoop. Vous êtes très, très gentil. Oui, effectivement. Oui, franchement. Mais puis pour vrai, là... comme 992 millions. Alors, c'était un chiffre. Sur les... D'ailleurs, je trouve ça le fun. C'est comme juste en dessous du milliard. C'est un addon, ça? Exactement. Ouais. À ce moment-là, on est responsable. On a l'approche qui est responsable. On attendait l'émission de ce soir. On savait que ça vous plairait. Non, mais en plus, il est plus court à lire. Non, ben, il est quand même plus long que celui de Québec solidaire, Zantane. Mais comment ça se fait que ça... mais sans blague, pourquoi ça a pris autant de temps à sortir un cadre financier comme ça? Parce que vous prêtez flanc quand même à la critique, parce que pas le sortir pendant alors que tous les autres partis l'ont fait. Tout simplement parce que nous, on avait d'autres engagements annoncés, on a attendu que nos engagements soient faits pour présenter le cadre, cadre financier. Ça vous a coûté cher quand même, vous avez été critiqué. Vous savez, dans chacun des débats, on a toujours des critiques à l'endroit du parti. On a l'approche, je pense, qui est plus responsable, 992 millions. Je pense que il y a des gens qui promettent des milliards puis qui livrent pas la marchandise par la suite. On préfère être plus réaliste. Je vais vous trouver un 8 millions quelque part, puis on va parler de milliards quand même. À 8 millions quand même. Mais qu'est-ce qui était si long à calculer? Quoi que vous avez perdu votre comptable, vous, François Legault est parti, fait que ça doit être ça. Oui, puis c'est plutôt à la CAQ qui ont des problèmes à compter. Ça, c'est votre ligne. Écoutez, vraiment, je trouve que vous êtes dur avec François Legault. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, il va vous remplacer. Faites attention à ça, OK? Un ex-caribou, c'est ça, oui. Mais là, vous le connaissez quand même. Oui, je le connais bien. Oui, j'ai travaillé même avec lui, monsieur Legault. Je le reconnais pas. C'est vrai, à ce point-là? Je le reconnais pas. Parce que moi, je l'ai eu à côté. Parce qu'il s'élevait au caucus pour faire la promotion de la souveraineté. Il disait qu'on n'allait pas assez vite, il fallait foncer, il fallait plus rapidement. Il s'est transformé en capitaine Canada, soudainement. Il a changé. Il a perdu un peu de poids, ça lui fait bien son slim suit de capitaine Canada. vous êtes pressé de faire la souveraineté, donc? Oui. Absolument pressé? Bien, nous, on veut réaliser la souveraineté du Québec. C'est pour ça que je suis au Parti québécois. Donc, avec vos référendums d'initiative populaire, que tout le monde comprend très bien, d'ailleurs. Oui. Tout est clair là-dedans. C'est clair pour toi aussi, j'imagine. Mais je vais quand même prendre une petite explication. Prendre l'explication... Les gens à la maison, c'est ça? Oui, exactement, les gens à la maison. Moi, je le sais, mais... Et je prendrai l'explication unifiée, là. C'est-à-dire, faites-moi un résumé de ce que Bernard Drainville, de ce que Pauline Marois pense et de ce que le reste du Québec pense. À quoi ça ressemble un référendum d'initiative populaire? Bien, c'est simple. Il y a 850 000 personnes qui signent un registre, 15 % de la population dans toutes les régions du Québec. Une fois que ça s'est signé, l'Assemblée nationale du Québec décide la suite à donner à ce registre-là qui est signé. Mais on n'a pas le droit de poser toutes les questions. Bien, à ce moment-là, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est que l'Assemblée nationale est souveraine. De la façon dont ça fonctionne, c'est qu'une fois que le registre est signé par 850 000 personnes, c'est nous qui décidons de donner la suite. Si, par exemple, il y a une consultation, la date de la consultation, c'est la façon dont ça fonctionne. Puis ça se fait dans plusieurs autres pays dans le monde. Il y avait un excellent reportage, d'ailleurs, à la radio de Radio-Canada ce matin. Ben oui, je le sais, je sais, on en profite quand il y en a des bons. Oui. On se souvient, c'est presque ennuyant, puis je peux comprendre que vous ne passez pas trop de temps là-dessus, honnêtement. Mais vous avez quand même le droit, et Pauline Marois a le droit de dire oui ou non à une demande de référendum. Oui. Pourquoi se garder le droit? Bien, c'est parce que... Sentez que les sondages sont pas bons. On est encore dans le Canada, on respecte la Constitution canadienne, on est obligé de... L'Assemblée nationale est souveraine, alors on doit respecter, c'est un mode consultatif. Mais supposons que vous êtes majoritaire. Là. Oui. Puis là, bon, peut-être majoritaire sans vous, là, parce qu'avec l'affaire de Françoise David, ça m'a triste, ça. Oui. Mais supposons que vous êtes majoritaire, là, théoriquement, ça va passer. Si on est majoritaire, à ce moment-là, nous, on va décider de la suite à donner. Mais effectivement, il y a des chances que si on forme un gouvernement majoritaire, mais on va regarder un mouvement de la population. Puis vous savez, ce qui compte souvent en politique, c'est la force du nombre. Alors, quand il y a des gens qui se mobilisent, qui signent un registre, c'est comme vous avez vu le mouvement des casseroles, le mouvement étudiant, il y a eu des milliers de gens dans la rue. Mm-hmm. Ça a un impact, ça a une incidence, puis ça crée une pression sur un gouvernement. Alors, c'est comme, vous savez, la force du nombre, c'est important aussi. Vous avez le choix entre un parti qui va avoir deux députés d'opposition puis un gouvernement majoritaire du Parti québécois. C'est plus facile de faire annuler. Oui, mais quand 77. Même, mais vous dites ça, mais quand même, Amir Kadir a fait tout un travail, même s'il était seul. Hein? Je veux dire, mais sans blague, il a fait tout un travail. Moi, j'étais pas là en chambre, mais j'entends parler de cette affaire-là. Oui. Puis, ben, fait que ça doit être vrai. Oui. Il y a aussi un commerçant de la rue Saint-Denis qui l'a après ses dépens. Oui, un. Oui. Mais honnêtement, là, vous qualifiez de comment le travail d'Amir Kadir? Ben, je pense qu'il a fait une bonne performance. Sur 10, on est habitué de noter sur 10. Non, mais j'aime pas ça, les notes. Monsieur Charest, elle l'a pas bien servi, alors je commencerai pas à le noter. Je laisserai les électeurs de Mercier le juger. Bon, écoutez, on a beaucoup parlé, évidemment, peut-être même trop, là, de cette histoire de Françoise David-là, mais qu'est-ce que vous voulez? ça me fait plaisir. Mais il y a plusieurs citoyens de votre circonscription qui le disent, hein, ils ne veulent pas vous perdre, en fait, que ce soit Françoise ou vous-même, hein, c'est ce qui serait décevant aussi. Oui. On parle du dilemme de Gouin. D'ailleurs, il y a eu un article dans Urbania aujourd'hui. Exactement, Dilemme de Gouin. Vous n'avez pas une stratégie à proposer aux gens de Gouin qui ne veulent pas perdre Françoise David, ni Nicolas Girard? Il y en a qui ont proposé, qui ont des co-députés. Après la formule des co-porte-parole, ça pense qu'il y a des co-députés. Ouais. Ouais, certains ont proposé ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez fini votre bière bientôt? Non, pas bientôt, j'attendais. Non. Parce que j'ai une tournée des bars ce soir dans le quartier. Alors c'est je vais vrai? Faire, ben oui, vous je commence souvent. Ça tout de suite, tout suite après l'émission. C'est parce que j'ai peur que ce soir, les gens m'offrent beaucoup de caribou. Fait que la soirée va être longue si je veux terminer debout la fin de ma tournée des bars. La soirée est encore jeune, on vous l'a dit tantôt. On se souvient quand même de l'affaire Thomassy, vous en avez parlé. Vous avez déterré les scandales des traitements de faveur. Donc, c'est-tu parce que vous n'aimez pas ça, les enfants? Ou y a-t-il un problème? Oui, mais ça m'a coûté un bloc de béton dans ma vie de chez moi. Ben oui! Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est Tony qui vous lançait ses pantoufles? Je suis pas sûr que ça aurait défoncé ma vitre. Un bloc de béton, c'est un petit peu plus dur. Oui, c'était peut-être celle-là, en tout cas. Vous parlez justement que vous avez fait la tournée des bars en Bixi. Vous l'avez fait, en fait, avec Léo Bureau-Bloin. Oui, et Jean-François Lisée. Vous avez demandé ses cartes à Léo, parce que je suis pas sûr qu'il peut boire. Ben, il était très populaire dans les bars. Il y a beaucoup, beaucoup de photos. Oui. Surprenant, on l'avait ici la semaine dernière. Là, vous y direz. Oui. Qui se laisse aller un peu. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous le baïonnez, Léo? Mais non, au contraire. Il se baïonne lui-même. T'as trouvé ça sur le passé? Bien, je l'ai trouvé, honnêtement, un peu stiff. Ben des bars, ça se passait très bien. Rencontrer plein d'électeurs, d'électrices. Ben dans une couple de semaines, on va en arracher dans un bar, on va le réinviter. Okay. Visiblement, c'est l'alcool qui fait le job. Ouais, je pense que il était peut-être intimidé par vous. Hein? Non, mais j'imagine bien. Ouais. J'imagine ça. Cela dit, je disais justement que vous avez fait la tournée des bars. Est-ce que vous êtes allé boire de la sangria avec Jean-François Lisée, justement, et Léo Bureau-Bloin? C'est ça que vous êtes allé faire? Non, pas de la sangria, juste de la bière. Puis faire une tournée des bars pendant que vous êtes en pleine campagne, c'est pas ça que François Legault appelle la belle vie? Oui, exactement. On s'est inspiré de lui. Oui? On s'est inspiré de lui. OK, là, je vais vous poser une dernière question, puis je vous jure, c'est la dernière chose que je vous dis à propos de Françoise David. Non, mais c'est vrai. Est-ce que t'en rêves la nuit? Honnêtement, sachant que je vous avais cette semaine, après avoir écouté le débat, j'en ai pas mal rêvé. Bien honnêtement. Vous restez avec nous, Nicolas, et puis on va avoir Pierre Arcan dans quelques minutes. Vous pourrez parler de plein d'affaires que vous avez là, contre le gouvernement libéral. Ça va me faire plaisir. Vous avez entendu en ouverture à l'excellente traduction simultanée de nos amis de Sun News. Oui, c'était vraiment très bien fait. Sur le débat des chefs, c'était en fait. Impressionnant. Franchement, c'était juste et bon. Comme on dit. On s'est demandé à quoi pourrait ressembler une traduction simultanée en français d'une émission de Sun News. On écoute. Il est de Journal de Québec, de Montréal, de TVA, de SN, de Radio X, de Radio Pirate. On ne l'entend presque jamais. Eric Daem, salut mon chou. Bonjour, Krista. Bonjour, Greta. Je suis ennuyée de toi, mon poulet. T'es même pas venu au party d'anniversaire de la mort de Jack Layton. Me too. Je suis ennuyée aussi, Greta. Alors, Eric, qu'as-tu pensé des débats? Les débats de TVA étaient très intéressants, alors que celui de Radio-Canada, c'était de la marde. Legault et Charest ont été très bons, alors que Marois et Françoise Castro au débat de Radio-Canada, c'est de la marde. C'était des débats face à face, alors c'était facile de comprendre, même pour les jambons. Puis moi, j'aime ça quand c'est dans ma face de même. C'est comme un combat de petits minous, puis moi, j'aime ça, les minous. Alors que le débat de Radio-Canada à 4, j'ai rien compris, c'était de la marde. J'en aurais pris deux heures. Là, ah, pas moi quand même. Vous êtes peut-être plus fort que je pensais. Ceux qui nous suivent sur les internets savent que Jean-Sébastien Girard, un des plus grands journalistes de sa génération, devait passer la soirée à faire du jogging avec le docteur Barrette, sans blague. Malheureusement, un événement imprévu, surtout hors de notre contrôle, nous empêche d'aller les rejoindre. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle et le docteur de Barrette ne s'en sortira pas aussi facilement. Non. On l'attend la semaine prochaine. Oui, oui, tout à fait. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier. Une émission qui ne suivra pas les caribous dans le ravin. Il est un grand sportif lui-même, concentrant ses activités principalement dans son salon, Fred Savard. Oui, bonsoir. Hey, bonsoir. Permettez-moi de revenir cette semaine sur une aberration qui hante cette campagne électorale qui n'en finit plus de nous démontrer chaque jour qu'elle s'étire combien notre classe dirigeante nous rit en pleine face. Ben voyons. Oui, j'ai regardé moi aussi, à mon corps défendant, les quatre débats de cette semaine, et jamais dans ces exercices de chamaillage dignes de la plus petite cour d'école, on a eu la décence d'aborder le sujet central de l'éducation et bien sûr les événements qui se sont produits au printemps dernier. Pourtant, notre premier ministre nous a dit qu'il fallait absolument déclencher des élections pendant les vacances annuelles des Québécois parce que l'heure était à ce point grave et que le Québec menaçait de sombrer une fois de plus dans l'armageddon à la rentrée des classes. Ça devait être le point central de sa campagne électorale. Près de 5000 personnes ont été arrêtées. Des policiers ont reçu des boules de billard sur la tronche. Des gens ont perdu un œil, une oreille. On a vécu un conflit sanglant qui fit des victimes dans les deux camps et qui démontra à la face du monde que le Québec pouvait maintenant rivaliser avec toutes les Palestines, Syrie, Algérie et autres régimes où la rue détient le pouvoir devant des systèmes étatiques qui ne méritent pas toute cette décharge de haine. Et qu'on en parle si peu pendant cette campagne électorale me sidère de façon sidérale. Aïe aïe. On préfère nous parler des cervidés qui voudraient se ruer le panache sur un hypothétique référendum sur la souveraineté. On préfère nous parler de faire du ménage pour que la comptabilité devienne notre nouveau projet de société, mais pas un mot sur le carnage du printemps érable. Il n'y a que Jean Charest qui a effleuré le sujet, surtout pour réitérer ses accusations burlesques envers Pauline Marois à l'effet qu'elle laisserait son parti être gouverné par la rue, un endroit où il n'a pas mis les pieds depuis des années, visiblement. Et pourtant... On apprenait cette semaine que le terrible conflit du printemps érable avait coûté une fortune au SPVN. Tenez-vous bien, on parle ici d'un gargantuesque 15 millions. Ouais. 15 millions! Oui. Le montant donne le vertige. À titre comparatif, pour ramener ce chiffre à des dimensions compréhensibles et humaines, eh bien dites-vous que 15 millions, c'est à peu près 0,3% du montant total des promesses de la CAQ pour cette présente campagne. C'est énorme! 15 millions, c'est presque le quart de la masse salariale de Canadiens qui risquent de même pas jouer à cause d'un lock-out sécrété par la partie patronale. Quel malheur que la LNH ne soit pas une compagnie canadienne, le gouvernement pourrait nous régler ça à grands coups de loi spéciale. 15 millions, c'est aussi la somme que donnent nos gouvernements en subvention pour un avant-midi de course de Formule 1 pour attirer les touristes. Mais les touristes ne sont pas venus au centre-ville, contrairement aux policiers. Justement à cause des étudiants anarcho-sanguinaires, les images de leur exaction ont fait le tour du monde pendant le conflit. Et j'en profite ici pour condamner vivement ce qu'on voyait sur ces images, c'est-à-dire essentiellement des vitrines de banques se fracasser, alors qu'on leur demande plus de transparence à ces banques, justement. C'est odieux! Mais encore plus odieux est cet article paru dans le journal Les Affaires et qui nous apprenait que l'achalandage touristique n'avait pas diminué pendant le conflit étudiant selon une étude de Tourisme Québec. Quoi? Oui. On nous aurait menti? Les Gilbert Rozon, Raymond Bachand, la Chambre de commerce et autres pingouins alarmistes auraient essayé de nous faire peur? Je ne peux pas le croire! Vous êtes donc bien cynique, Fred. Ouais, je suis membre de l'UDA, hein, ça se dit. Ah oui, c'est ça. Je ne peux pas le croire. Ouais. À moins, bien sûr, que le journal Les Affaires soit détenu par des intérêts gauchistes sans qu'on le sache. Se pourrait-il que la classe soit actionnaire majoritaire du journal Les Affaires et ainsi poursuivre son œuvre de domination du Québec? Ah. J'enjoins donc nos politiciens à profiter des deux semaines qui restent à cette campagne pour au moins daigner parler d'éducation autrement que pour augmenter le salaire des professeurs ou pour laisser les écoles ouvertes de 9 à 5 comme on le ferait dans une succursale d'un diplôme dépôt. Parlez-en, s'il vous plaît, ne serait-ce que par respect pour toute la bullshit que vous nous avez balancée au visage pendant le printemps érable et pour qu'on ait un automne moins amer. Mon Dieu! Vous avez... Attendez un peu. C'est cynique, puis vous avez des partis pris. C'est très désagréable à entendre. Vous en parlerez justement tout à l'heure avec Nicolas Girard. Franchement. Hey, on se rappelle tous de ces fameuses publicités du Service canadien de la faune, hein, avec sa mélodie aussi désagréable que reconnaissable quand même. Et ben, l'équipe de la soirée a mis la main sur la prochaine publicité à être diffusée très bientôt. On écoute. Le caribou du Québec est une espèce qui était en voie de disparition, mais qui tend à revenir depuis mercredi dernier. L'habitat naturel du caribou est habituellement les steppes arctiques, mais on le voit de plus en plus brouté dans la rue, dans les bureaux du Parti québécois et à Radio-Canada. Facile à différencier de l'orignal, son pelage est bleu et il porte une barbe de syndicaliste. Chassé depuis toujours par les Amérindiens, il est maintenant une proie de choix pour les caquistes, les libéraux et parfois même pour Québec solidaire, surtout pendant les dernières élections fédérales. Lors des grandes migrations en 1980 et 1995, le caribou appréciait se lancer du haut d'un ravin pour s'effouérer à terre. Selon plusieurs spécialistes, une nouvelle grande migration pourrait avoir lieu au cours des 4 prochaines années. Si on demande à Pauline Marois, c'est moins clair. Pour de plus amples informations sur le caribou du Québec, demandez à François Legault, il en connaît un gros bout là-dessus, même si son panache n'est plus très gros. Ah, j'en aurais pris... Ouais. J'en aurais pris 2 heures. Ah. Ouais. vous êtes fait plus fort que moi. Fred, présentez-nous notre deuxième invité. Notre deuxième invité est devenu ministre après une fructueuse carrière dans le monde des médias. Son frère le dépasse peut-être en notoriété, mais notre invité, lui, prend les vraies décisions. Accueillons le candidat libéral de Mont-Royal, M. Pierre Arcan. M. Arcan, alors, d'entrée de jeu, là, je vais le dire pour être extrêmement transparent envers tout le monde et mes auditeurs. Vous êtes le copain de ma patronne, Dominique Chaloux, à Télé-Québec. Et là, je voulais juste vous dire, je vais être extrêmement gentil avec vous. Je me sens obligé de c'est ça. C'est pour ça que je suis venu, d'ailleurs. Ben, je sais. J'ai d'ailleurs reçu un appel une heure avant l'émission. Je vais vous dire que je n'ai pas assez des questions. Ah, okay. Non. Mais, d'ailleurs, je vous offre une bière immédiatement. Est-ce que vous voulez une bière? Ben, j'espère. Ouh, fait chaud. Je suis bien stressé de ça. Non, je ne suis pas ici pour vous mettre dans l'embarras du tout. Alors, on va parler du dossier de l'Anticosti. Oui. c'est une blague. C'est une blague. Bon. Non, c'est vrai que c'est une blague. On va en parler plus tard, par exemple. Non, ici, je vais être gentil avec vous, mais je me pose la question. Quand vous allez voir votre frère, est-ce que vous voyez votre frère, des fois, Paul Arcan, au 98.5? Jamais? Jamais. Parce que jamais je suis allé le voir, jamais j'ai eu d'entrevue. Pourquoi il vous invite pas? Et c'est une entente qu'on a eue lorsqu'on a commencé, lorsque j'ai commencé en politique. Ouais. Et puis, on a cette entente-là. Alors, je vais chez René Aumirois. Ah! Ben oui, il est pas mal moins méchant que Paul. Et je vais vous dire une chose. Je dis toujours en blague à mon frère Paul, je lui dis toujours, ben je vais chez René Aumirois. Puis quand je passe là, ben je baisse ses codes d'écoute. Alors... C'est pas faux. Mais je vous pose la question comme ça. Quelle station de radio vous écoutez le matin? Alors, j'écoute beaucoup de stations de radio. J'écoute C'est quoi? J'écoute évidemment 95.1, la première chaîne, 98.5. Je les écoute pas mal et même des postes anglophones aussi. Ah oui, vous faites... C'est JBED parce que je veux savoir un peu. J'ai une portion de mon comté où il y a des anglophones. Alors, je veux savoir ce qui se passe là et qu'est-ce qu'il pense. Ah, ben vous êtes un homme de radio, ça paraît. Hein? Oui, pas mal. Ah, oui, quand même. N'empêche, c'est tannant, les publicités au 98.5, vous leur direz. Oui, c'est ça. Non, mais je trouve ça un peu tannant. Là, on va jaser d'élections, justement. On va en profiter. Hey, ça jase d'environnement pendant cette campagne-là. C'est assez carré, hein? Oui, c'est parce que je pense qu'on a fait une bonne job, honnêtement. Ah oui? Oui, je pense qu'on a fait un bon travail en environnement. Les plans sont clairs, plan d'action sur les changements climatiques, plan de gestion des matières résiduelles, etc. On a tous les plans. Puis je pense qu'il y a un consensus quand même politique au Québec. Les gens sont d'accord. On est d'accord. On est d'accord qu'il faut travailler. Il n'y a pas de sceptiques là, comme aux États-Unis qui remettent en cause... Ah, elle n'est pas trop loin. Au Canada aussi, oui. Puis dans certaines places, qui remettent en cause la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que c'est vrai ça, Nicolas? Est-ce qu'on a un consensus général à travers les partis? Sur la question de l'environnement, je pense que c'est un élément qui est important. Donc, c'est pas mal plus important pour nous au Québec que ça allait pour M. Harper à Ottawa. Oui, ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Bon, on s'entend là-dessus. L'environnement, c'est coché, c'est beau. Oui. Tout le monde est fait. Alors, c'est pour ça que c'est pas un enjeu parce qu'on travaille là-dessus. Et M. Charest, je pense, sur la scène internationale et le Québec, de façon générale, on a une bonne image, contrairement peut-être au Canada qui a un problème d'ambition, c'est le moins qu'on puisse dire. Le mot est faible comme vous. Le mot est faible. Donc, vous êtes en train de me dire Paul Arcan. Je savais que j'allais me tromper. Ben oui, je me sens c'est pas grave, Jean-Philippe. Non, je sais, Dominique me l'avait dit en plus. Je voulais pas vous insulter. Non, mais je vous êtes en train de me dire que vous êtes le seul candidat et ministre, en fait, à avoir une note de 10 sur 10. Ben, c'est vrai. Bon, enfin, Non, mais si le sujet de l'environnement est réglé, là, c'est parce que vous avez fait un bon travail. Puis même Nicolas qui est à côté, son micro est ouvert, il aurait pu s'objecter à ça. Il aurait pu s'objecter. Est-ce qu'on a entendu mais Nicolas s'objecter? Mais c'est pas gentil pour les autres ministres, par exemple? Non, mais... Il y a des dossiers. Vous donnez combien, M. Tomassi? Je vais vous dire quelque chose. Oui, dites-moi quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de bien important. Lorsque je suis arrivé... ministre de l'Environnement, nous étions en pleine période là, du gaz de schiste. Je peux vous dire que j'avais loin d'avoir une note 10 sur 10. J'ai fait demander d'avoir un BAP et par la suite. Et puis, bon, vous savez que maintenant, il y a une évaluation environnementale stratégique qui se fait, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a eu des périodes là, où c'était pas mal plus difficile. Bien, écoutez, justement, là, vous êtes en période d'accalmie, ce qui vous a permis de faire une grosse recherche. Je viens de lire ça. Là. De 2007 à 2010, vous venez de le publier, là, les Québécois ont réduit de 52 % leur utilisation de sacs en plastique. Mm-hmm. Vraiment, là, on peut dire qu'on est dans une période creuse pour l'environnement. Là. Je veux dire, quand c'est ça, les nouvelles... Vous partiez avec une longueur d'avance pour les élections. Ah, absolument. Puis vous savez, je suis allé même à Franklin, sur la rive sud de Montréal. Et vous savez qu'en l'an 2000, on avait 22 millions de pneus qui étaient entreposés. Et là, finalement, à la fin juillet, je suis arrivé. Puis là, le dernier pneu qui a été recyclé, il n'y a plus de dépotoir à pneus au Québec. Ça, c'est une autre chose qui, je pense, est intéressante et qui montre, en tout cas, qu'on fait des progrès et que la question environnementale s'améliore de jour en jour. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est des sacs en plastique, c'est des dépotoirs. Là. C'est 40 étages de haut de sacs en plastique. M. Arcan, vous êtes devenu ministre quand même assez rapidement. Oui. Vous êtes, quoi que vous êtes passé de ministre des Relations internationales à ministre du Développement durable de l'Environnement et des Parcs, plusieurs ont dit, d'ailleurs Vincent Marissal aussi, ont dit que vous étiez sous-utilisé, que c'était une démotion à quelque part. Est-ce que vous avez fait quelque chose de pas correct? Vous savez, c'est le choix du premier ministre. Je pense qu'on a un groupe qui était au Conseil des ministres. On a des ministres d'expérience et tout ça. Et il y a toute la question des régions, il y a la question de la parité homme-femme, etc. Alors, moi, vous savez, je pense qu'on fait partie, quand on est ministre, je pense qu'on fait partie des privilégiés et de la société. Et donc, en ce sens-là, je suis très heureux de ma fonction. Et j'aime l'environnement. Et ben, justement, on parle d'environnement. Vous êtes ministre de l'Environnement, des Parcs et du Développement durable. Et là, je lisais, bon, évidemment, dans tout le cabinet des ministres, que Clément Gignac, lui, est ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Là, vous vous pilez sur les pieds à quelque part. Supposons que vous recevez un appel pour les gaz de schiste. On appelle Clément, quand même. Là. T'sais, on ne garde pas le dossier. Clément, ça te tente de t'en occuper, on envoie ça à Clément. D'abord, je m'entends très bien avec Clément. Bien, on imagine. Mais il est clair que dans les objectifs des deux ministères, il y a toujours eu des choses qui pouvaient parfois être un petit peu conflictuelles. Est-ce que vous allez comme, si vous retournez au pouvoir, est-ce que vous allez comme fusionner ça? Parce que je me disais, c'est un peu niaiseux. Clément, il est ministre de la Faune, puis vous êtes ministre des Parcs. Donc, comme Clément est responsable de ce qu'il y a dans vos parcs. À quelque part, c'est ça, non? Ça fait partie des choses parfois qu'on peut essayer d'améliorer. Mais toute la question de ces structures-là, c'est le premier ministre qui décide finalement. Bon, on va parler à Jean Charest quand il va venir la semaine prochaine. On se croise les doigts. Non, mais je me dis ça, vous connaissez ça à la Faune. Qu'est-ce qu'on fait pour que les caribous plongent pas dans un ravin? Ah, ben ça... Je dois vous dire qu'on on s'organise. La question du caribou, d'ailleurs, c'est bien important, très sérieusement. Parce que... On rit bien, mais... Je peux vous dire que dans le plan Nord, justement, on fait 20 % d'air protégé. Parce que, justement, on veut protéger, d'une part, les endroits qui ont des hautes valeurs écologiques. Et c'est pour ça qu'on fait 20 % d'air protégé. Et la protection du caribou, effectivement, c'est majeur. Il faut le protéger, parce que ça va se séparer. Ça, c'est cédrer des caribous. Oui, oui, non. C'est cédrer des caribous. Vous êtes... Ah, bien, je suis content que vous parliez enfin, vous. Non, mais on ne vous entendait pas beaucoup. Je vais passer rapidement, alors, sur le dossier de l'Anticosti, vu que vous vous réveillez, là. Oui. On va passer à d'autres choses. Évidemment, vous avez été un homme de radio, j'en ai parlé un peu plus tôt. Vous avez fait fortune en achetant et en vendant des stations de radio. Vous êtes évidemment indépendant de fortune. C'est un atout, ça, en politique, l'indépendance? Ben, de fortune, je fais pas l'indépendance tout court, on le sait. Oui et non. Ouais? Oui et non. Parce que supposons que le 5 septembre, là, vous êtes que député de l'opposition. C'est moins tentant. Ben, c'est un rôle, mais c'est sûr qu'on est en politique pour prendre le pouvoir. Je pense que Nicolas, là-dessus, va être d'accord avec moi aussi. Puis lui, ça fait longtemps, tabarouette, qu'il attend. Oui, il attend depuis un certain temps. Ouais. Ouais. Pas rien qu'un peu. Je vais arrêter de vous poser des questions, M. Arcan. Les libéraux vont être contents. Mais oui, est-ce que c'est vrai que Nicolas Girard est un peu un trophée de chasse pour vous? Non. Il fait ça juste pour se mettre important, pour se rendre important. Non, non. Disons que si la question, c'est est-ce qu'il y a des gens au Parti québécois qu'on déteste beaucoup plus que Nicolas? Ouais. Oui. Ah oui? Ah! C'est fun. fait que personne ne l'aimait vraiment, Tony Tomassi. Non, mais je parlais de l'opposition. OK, OK. J'étais pas certain. Non, cela dit, Nicolas Girard est à côté de vous, on en parlait. Elle a, évidemment, son siège est en jeu avec Françoise David. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Nicolas pour battre Françoise? Ben moi, je trouve, évidemment, Françoise David extraordinaire, moi aussi! Moi, je l'aime assez, je l'avais ici il y a 2 semaines, je capote. Ah, moi, je trouve que c'est une femme absolument formidable. Et je pense que Dangouin, elle ferait une job extraordinaire. Justement, je suis votre candidat libéral, Anne-Sune Durand, sur l'autre ligne, oui, qui m'appelle. Oui, qui est là aussi. Bon. Oups, bon. Oups, bon. Ah, je vais poser... Je vais poser rapidement une question, puis ça va être la dernière. Vous avez été quand même à l'origine de carrières radiophoniques de personnes qui ont fonctionné très bien. Oui. On parle de Normand Bradouet, Lucien Francoeur. Vous avez un pif de radio, c'est clair. Alors, j'ai-tu de l'avenir dans le métier, moi? Je pense que oui. Ouais? Ouais. Ouais? Puis, oui? Oui. Radio-Canada ou ailleurs, vous me conseillez 98.5, c'est bon? Je pense qu'à Télé-Québec, vous seriez bon. Ah, c'est déjà fait, c'est bien pensé. Mais non, très sérieusement, je pense que vous avez beaucoup de talent et un bon sens de la répartie. Et de façon très claire, je pense que vous... Ah oui? Vous êtes déjà rendu assez dans, ben, dans Dieu, une bonne direction. Fin, vous êtes rendu. Ben, je déménage dans Mont-Royal la semaine prochaine. C'est clair. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Vous restez avec nous. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Merci. Il passe la semaine les yeux rivés devant son écran d'ordinateur à la recherche des meilleurs extraits de l'actualité pour le plaisir de nos oreilles, mais pour le déplaisir de bien des jambons. Voici le billet d'Olivier Niquette. Ah! On a hâte d'écouter ces extraits, hein, Fred? Ah ouais. Chaque semaine, c'est la même chose. Plaisir à moi aussi, des fois, parce que c'est pas facile. Olivier, quoi de neuf cette semaine? Ben, la fin de semaine dernière, je suis allé chez Costco, d'où je n'ai ramené aucun chef de parti, puisque mon cadre financier ne me permet pas de m'en acheter. Par contre, j'ai rapporté un troc de Kleenex qui m'ont été fort utiles pendant les débats lorsque je commençais à morver du désespoir. Pareil comme Sylvain Bouchard du FM 93 lorsqu'il a entendu les propos très controversés de Pauline Marois. Pauline qui va parler des compagnies minières étrangères. Comment dans sa bouche, comment c'est pas bon, comment est-ce qu'on les veut pas, comment est-ce que... Ça, c'est pour moi, là, c'est une forme de xénophobie, ça. Si au lieu de parler d'une compagnie minière étrangère, elle avait parlé d'un individu... C'est comme quand François Legault dit qu'il veut abolir les commissions scolaires, là. Imaginez si les commissions scolaires, c'était des individus. Oh. C'est une forme de génocide, ça. D'autre part, Claude Roy, le candidat démissionnaire du mouvement d'École Rouge, initié par le même Sylvain Bouchard, a enfin révélé pourquoi il avait démissionné. Ouais. C'est entre autres parce qu'on lui a offert un contrat de chauffage d'autobus très bon pour son portefeuille, plus payant en tout cas que de diriger un mouvement qui prône le droit de ne penser qu'à son portefeuille. Tout est dans tout. Lundi soir avait lieu le premier débat de TVA, mais pour me changer les idées et parce qu'on ne peut pas en mettre des extraits, j'ai plutôt regardé Pénélope qui recevait Jean-Claude Van Damme, un gars qui n'a pas peur de dire les vraies affaires. Moi, je travaille pour moi. Moi, c'est pour de l'argent. Et après, je me casse. Ah. Ben, c'est pas si différent que ça du débat, finalement. On dirait que Jean-Claude Van Damme a le même cadre financier que le Parti libéral. Une petite blague. C'était aussi cette semaine que Radio X Montréal faisait son entrée en onde. Pas de quoi écrire à son maire, mais on a quand même pu y entendre Jean Tremblay affirmer être quelqu'un de très tolérant puisque son idole est un juif. Et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas Rabbi Jacob. Faut se dire, tolérons-nous. Moi, si un objet de religion juive, pas loin de chez nous, qu'est-ce que ça fait? D'ailleurs, l'idole de ma vie, c'est un juif. C'est qui? C'est le Christ. Ah! Fallait penser. Évidemment. Non, mais c'est pareil pour moi, là. J'ai rien contre les jambons, même que mon plat préféré, c'est le sandwich au jambon. Mercredi, gros scandale. L'obscur Parti conservateur du Québec et son chef Luc Harvey proposent une affiche publicitaire très subtile dépeignant les assistés sociaux comme des gros soulons pas propres qui vivent sur le bras du vrai monde. Ouais. Heureusement, Radio X à Québec était là pour dénoncer cette ignominie. Oui, les assistés sociaux sont des gros soulons pas propres, mais l'affiche laisse entendre que c'est inné alors que c'est plutôt une compétence qui s'acquiert à force de courage, de persévérance. Denis Gravel. La nature humaine et animale est faite comme ça. Plus tu fais rien, moins tu as le goût de faire quelque chose. Le problème visuel de cette image-là, c'est qu'on nous donne l'impression que le BS, là, il est né de même, puis il est de même. Plus tu fais rien, moins t'as le goût de faire quelque chose. Me semble que c'est clair, là. C'est écrit dans les lois de la nature. Vous avez pas appris ça en biologie, là? Non. Je pense que c'était dans le chapitre sur les parasites. C'était aussi mercredi qu'avait lieu le dernier débat des chefs à TVA où François Legault nous a raconté une histoire d'horreur de 850 000 caribous de panurges qui se garochaient dans un ravin rempli de référendums. J'en ai fait des cauchemars. Une victoire gargantuesque pour François Legault sur Pauline Marois, et ça, dans les deux parties du débat, c'est-à-dire le débat, puis après le débat. Mario Dumont. Il y a deux affaires dans un débat. La perception, là, hier soir à 10h01, la perception que tu laisses au public, donc ça peut influencer des votes. La deuxième chose d'un débat, c'est la suite du débat. Et TVA a très bien compris l'influence de la suite du débat en nous offrant un panel qui couvre tous les horizons idéologiques de droite à droite. Bon, fait que moi j'ai fini ma chronique, Fred, oui. Votre analyse. Ben, c'est une très bonne chronique. Merci, je me casse. Notre premier ministre canadien est en visite dans le Grand Nord afin de vanter les attributs de cette région pittoresque. Et oh, quelle coïncidence, on a mis la main sur un long métrage qui devrait être sur nos écrans très bientôt et qui couvre justement ce passionnant sujet. On écoute. Juste au moment où la population commençait à avaler que les gaz à effet de serre sont une arnaque. Au Groenland, il pourrait y avoir un cycle naturel de la glace épaissie, la glace au fond, qui n'est pas nécessairement de la cause humaine de gaz à effet de serre. Tout s'effondre pour les climato-sceptiques. Un iceberg géant vient de se détacher de l'un des plus grands glaciers du Groenland. Il fait près, attention, de 120 km². Il dérive donc sans doute jusqu'au Canada. Leur courage sera donc mis à l'épreuve contre les méchants environnementalistes. Mais un allié de taille viendra les aider. Le budget, lui, qui vise les déductions fiscales qui permettent à ces groupes-là de se financer, on veut limiter leurs activités politiques. Les groupes environnementaux concluent que le gouvernement veut museler les avis là, dissidents. Avec Stephen Harper dans le rôle du mammouth, Mario Dumont dans le rôle de la bibitte qui cherche ses noix un peu n'importe où, et Stephen Guilbeault dans le rôle du gros macaque qui pue, l'air de pute de glace 4, la dérive des conservateurs. Dans un cinéma près de chez vous. Ça va être bon, ça? Ben, je pense que oui. Ben oui. Est-ce que vous allez en prendre 2 heures de ça? Je sais pas. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Notre expert politique a passé la semaine à analyser les 4 débats télévisés, mais une rumeur veut qu'il l'ait fait sans mettre le son et nous l'envions beaucoup. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Hey, bonsoir. Jean-Philippe, je vous offre jamais de bière. Ben, j'en prendrai une. Ben, c'est ça. Je vous en c'est une. Mais c'est gratuit cette semaine? Oui, c'est gratuit, moyennant 5 $. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Ouh. Je vais m'en prendre une autre d'ailleurs si vous parlez de débat, là. Alors, vous avez décidé de vous attarder à l'image des chefs au oui. non-verbal, en fait, dans les débats. Oui, n'en déplaise d'ailleurs à Benoît Dutrisac, qui a tweeté d'ailleurs qu'il nous trouve bien fatigant avec ça, preuve que lui-même n'a pas le monopole d'être fatigant. mais je me sens un peu... écoutez, je suis entouré quand même de deux spécialistes en débats électoraux. Un expert en communication, M. Arcan, puis un expert en garderie, M. Girard. Donc, en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. Pendant que tout le monde donc, avait la face dans son Twitter, moi, j'ai regardé les chefs, puis je me suis pas attardé au contenu ou des niaiseries comme ça. Ouais, je me suis attardé au non-verbal. D'ailleurs, j'ai souvent fermé le son, puis les regarder gesticuler comme ça, c'est très, très drôle. Et en HD, sur écran géant, s'il vous plaît, ce qui me permettait de voir la moindre goutte de sueur là, qui perlait de chaque pore et qui donne une vue aussi majestueuse sur l'appendice guttural de chacun des candidats, wow. qu'on appelle communément le cou mou. Hein? Ouais. Fait que premier débat, celui de Radio-Can, puis de l'autre télévision, là, à Radio-Québec? Oui, ben, je ne sais pas, travaillez-vous là? Ouais, moi, je ne fais pas de blagues sur Télé-Québec. OK, bon. Ben. Oui, donc, premier débat, celui des 4, là, où tout le monde était debout, là, dans le décor d'un paquet voleur. Vous aviez Françoise David, quand même, vous en avez parlé était beaucoup. Elle était bonne! Elle était bonne! Hé! Son carré rouge. Puis moi, on a trippé bien. Oui, hein. Son carré rouge émail, là, sur argent de 80$, là. Ouais, ah, il c'est cher d'être coquette, hein? Ouais. C'est, et Pauline Marois, habillée très sobrement, d'ailleurs. Je ne sais pas lequel des 33 coiffeurs elle avait choisi pour cette ouais, soirée-là. Oui, il a fait une bonne job. Question coiffure, d'ailleurs, François Legault, les cheveux légalement gominés, coiffés sur le côté. Puis ouais. Jean Charest, ben sa peignure, c'est ben, ça, hein? Sa peignure? Ouais, c'est ben ça. Non, mais c'est ça qui a fait sa célébrité. Mais donc, Madame ouais. Marois, Benoît, quand même, oui. Vous avez peut-être remarqué, elle avait un petit peu la gestuelle de maman Fonfon. Hein? Oui. Fonfon, les petites mains agiles. Oui. On se rappelait un petit peu Robert Guisculli à l'époque. Oui, elle grouillait. Hein? Oui, ben... sans le scandale des commandites quand même. C'était un peu particulier. Bon, c'est sûr, sur Twitter, il y avait des commentaires un peu désobligeants. Ben oui, qui disaient que Jean Charest avait le sourire plaqué, les grands yeux ouverts, un signe d'arrogance. Voyons donc, l'arrogance. Jean Charest. François Legault, là, qui frappait l'air avec sa main droite, ben là, oui. Pour chaque argument agressif. Les gens disaient qu'il était agressif, qu'il avait l'air d'un vieux mononcle. Voyons donc, mononcle François Legault. Puis Mme Marois, là, avec sa gestuelle, sa tête élevée, il y en a qui disaient qu'elle était pincée, qu'elle était... Voyons donc. Ouais, là, Pauline Marois, pincée. Ouais, ouais. Mais je veux vous parler des habits. Ça, c'est très important, parce que Jean Charest avait mis sa cravate bleue chanceuse, qui est plus belle, d'ailleurs, que la cravatelette de Guy Carbonneau. Guy Carbonneau, oui, d'ailleurs, qui n'est pas très chanceuse. Évidemment, ouais. Selon mes sources, était dans la poche de veston de François Legault. Oui! L'affaire qui dépassait. L'affaire qui dépassait, le genre de Kleenex, le genre de couleur. Là. Ouais, comme s'il avait attrapé une jartelle dans un mariage. Là. Ouais. C'était assez particulier. Moi, je souligne d'ailleurs aussi le nom verbal d'Emmanuel Latraverse, qui était presque continu. Hein? Et... Mais quand même, le soude de Françoise David, le froufrou dans la poche de veston de François Legault, les soudes brillants d'Anne-Marie Dussault, qui étaient écrues, Emmanuel Latraverse, c'était plutôt lila, taillé dans les habits du capitaine Cosmos. Là. Je partage l'avis de ma collègue Léa Strelitzky, qui va me succéder la semaine prochaine. Là. Ouais. Le véritable perdant de ce débat-là, c'est le satin. Je pense qu'on ne l'a pas assez dit. Ouais. Non, c'est, vous avez bien raison. Ouais. Hey, c'est toute une analyse. Ça. Et les débats de TVA, eux? Ben, M. Pruneau, quand même, enquête satin. On avait installé, si vous avez marqué, les chefs dans les chaises roulantes qui ont été saisies, Alice Thibault, après sa fraude. Et tu fumes pas, Monsieur Gérard. Et notez quand même. Excusez. Et notez quand même le débat entre Mme Marois et M. Charest. Vous l'avez entendu beaucoup, ça, Mme Marois. M. Charest, Mme Marois, M. Charest, Mme Marois. On peut citer la célèbre phrase de Nathalie Simard dans la chanson thème de la guerre des Tucs. L'amour a pris son temps à réchauffer l'hiver frileux entre les deux-là. Là. Mais quand même, Pauline Marois avait un beau veston vert hôpital. Là, question de vraiment marteler son message sur la santé. Ouais. Et même si à Radio X, on disait qu'elle était maquillée comme Yoko Ono. Je l'ai pas compris, celle-là. Ouais. Et je dois souligner quand même que François Legault s'est repris au dernier face-à-face avec une magnifique cravate à pois et il avait pour l'occasion emprunté les sourcils de Michael Ignatieff. On le salue aussi. Fait que c'est qui a gagné, Jean-Philippe? Bien, la question se pose, hein? Costco, Caribou, puis ça. Moi, je pense que le gagnant, c'est le prochain débat en 2016, quand ça va être en 3D. Là. J'ai d'ailleurs une image de François Legault en avatar là, dans la tête. Ouais. Et surtout celui de 2020, quand les chefs vont se crêper le chignon là, en hologramme dans votre salon, comme dans Back to the Future. Ouais, ouais. Qui pourrait être le thème, d'ailleurs, de la campagne. Ce dont j'ai plus peur, c'est peut-être le panel Dumont, Lapierre, Samson, Martineau dans mon salon en hologramme. Ça me tente moins. On imagine. Merci beaucoup. Hey, franchement, c'est une analyse très juste. Ouais. Eh bien, c'est déjà tout pour ce soir. Et avant de vous quitter, j'allais vous demander vos prédictions pour les élections. Évidemment, j'imagine que vous pensez que le Parti libéral va gagner. Avec combien de sièges de majorité, juste rapidement, comme ça? Là? Oh, je pense que nous allons être majoritaires, oui. Ah, OK, d'accord. Alors, je vais te poser la question. Mais Nicolas, pas pour rien. Le PQ va être majoritaire, j'imagine, Nicolas. Bon, parfait, on s'entend là-dessus. Alors, OK. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret de Plus on est fou, plus on lit. Et ensuite, c'est évidemment Bande à part animée par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, le grand Jean Gagnon à la réalisation, évidemment le délicieux Philippe Roberge à la console et à la musique. Un immense merci à nos invités. Bonne chance dans la fin de votre campagne. Nicolas Gérard, vous saluez Françoise pour moi. Évidemment, Pierre Arcan, vous embrassez ma patronne. Quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée. Nous réécoutez en balado et écrivez-nous si vous voulez assister à notre prochaine émission. C'est vendredi 19h. Nos invités, Raymond Bachand et Jean-François Lisée. Ça devrait être intéressant. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre soirée qui, on l'espère, sera encore jeune. Oui. Oui.